بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bienvenue à vous, frères en Allah Azza wa Jal, et bienvenue à vous aussi, chers auditeurs et auditrices sur Radio Mirat al-Anbiya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et nous sommes dans le 17e cours, dont principe et les fondements et particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, extraite des livres et des écrits de Cheikh Rabi, hafidhahullahu ta'ala wa matta'abih. Et fait partie des fondements et des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, autrement dit, ceux qui suivent la voie des salaf salih radhiyallahu alayhim, fait partie de leurs fondements, c'est le fait d'obstruer les voies menant au trouble et à la dissension. Et aussi, fait partie de leurs fondements, c'est de rejeter les préjudices, le fait de rejeter les préjudices prévaut sur le fait de concrétiser un intérêt ou un profit. فمن أصول ومميزات أهل السنة والجماعة سد ذرائع الفتن وذرء المفاسد. وفي تقرير هذا الأصل السلفي يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله وغفر له وأطال عمره في طاعته وشافاه وعافاه: من أصول أهل السنة وجوب سد الذرائع ووجوب درء المفاسد وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح. Et pour confirmer ce fondement salafi, l'érudit Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et l'en servit dans son obéissance, dit, fait partie du fondement des gens de la Sunna, le fait qu'il est obligatoire d'obstruer les voies menant au trouble et à la dissension. Et à la dissension, plutôt. Et aussi fait partie de leur fondement l'obligation de rejeter les préjudices. Le fait de rejeter les préjudices prévaut sur le fait de concrétiser un intérêt ou un profit. وقال حفظه الله في سياق رده على الحدادية في مسألة جنس العمل التي أحدثوها وشغبوا بها على أهل السنة، ولأن الذين أثاروه للفتن أول مرة لم يحددوا معنى معينا من أجل كل هذا ولما أثاره من التفريق والفتن، حذرت من استخدام جنس العمل ولا زال أحذر منه، وإن كنت أرى أن تارك كل العمل كافر زنديق، وموقفي هذا يتمشى مع منهج القرآن العظيم والسنة الحكيمة ومع منهج السلف الصالح في سد الذرائع ودرء المفاسد. إذنك الشيخ حفظه الله nous donne des éclaircissements et des exemples qu'il accomplit pour fermer les portes du mal et pour obstruer les voies menant au trouble et à la dissension. Dans sa réplique al-Haddadiya en ce qui concerne le sujet de Jins al-Amal. Jins al-Amal, c'est un terme inventé par al-Haddadiya et déjà eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas le limiter, lui donner une définition. Cheikh Rabi, il dit, le fait de dire comme ça, jins l'amal, de lâcher ce terme comme ça, il y a un grand mal dedans. Parce que c'est un terme général. Et les expressions générales ramènent des confusions, en général. Et les expressions générales comme ça, font naître la dissension dans la communauté et amène la fitna. Et donc c'est pour ça qu'il est obligatoire d'éviter d'utiliser ce genre de termes, ce genre d'expression. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit concernant ces sens absolus dont فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال بدون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi il dit, il faut que tu détailles, il faut que tu donnes des éclaircissements, car le fait de lâcher des termes comme ça au sens large du terme, dont la signification est générale, ou des sens absolus comme ça, ceci n'a ramené sans en faire les détails, sans les détailler, ceci a fait du mal dans l'existence. Ceci provoque du mal dans la vie des gens. Et ceci aussi fait patauger l'esprit de certains. Il fait tomber des gens dans des opinions qui n'ont pas à avoir lieu, en tout lieu, en tout temps. Et Cheikh Rabi', dans un de ses écrits, il dit, il est obligatoire et fait partie des priorités des gens de la sunna, c'est le fait de se cramponner à ce qu'ont confirmé les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Que la foi, l'iman, c'est une parole, ce sont des actes, c'est la parole du cœur, c'est la parole de la langue, ce sont des actes du cœur, ce sont des actes qu'on accomplit avec nos membres. La foi augmente, diminue, la foi elle augmente avec l'obéissance, diminue avec la désobéissance, et on s'arrête là. C'est la définition qu'on donnait salaf, radouallah alayhi. Le jins l'amal n'existe pas dans les termes qu'on utilisait salaf. Yaqulu hafidhahullah, il dit dans le contexte de sa réplique al-Haddadiya, concernant ce terme jins l'amal, qu'ils ont innové pour perturber les gens de la sunna. Et ceux qui ont innové ce terme pour la première fois, c'est pour exciter la fitna, ils ont même pas su limiter sa signification et son sens. Et vu que ce terme a ouvert les portes de sédition, de dissension, il a créé des troubles dans la jeunesse, j'ai averti contre le fait d'utiliser ce terme, jins l'amal. Et je ne cesse d'avertir contre ce terme. Alors que je vois que celui qui délaisse complètement les œuvres, c'est un mécréant et un zindiq. Et ma position, il est conforme à la voie du Coran et à la voie de la noble sunna. Et à la voie sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs d'Allah alim, dans le fait d'obstruer les voies menant au trouble et à la dissension. Et ma position est conforme aussi au fait de rejeter les préjudices prévaut sur le fait d'acquérir un bien ou d'acquérir un profit. Wa qala saddadahu Allah wa innama hadhartu min lafdhi jins al-amal li'annahu silahun khabith min aslihati at-takfiriyin liyud'imu bihi manhajahum at-takfiri. وحذرت منه لما ينطوي عليه من الفتن فأنا سلكت فيه مسلك السلف في سد الذرائع وإغلاق أبواب الفتن ومن حججي مواقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سد أبواب الفتن واجتناب الألفاظ والكلام الذي يؤدي إلى إثارة الفتن والشبهات. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le raffirme sur la voix de nos pieux prédécesseurs d'Allah alim. J'ai averti contre cette expression, jins l'amal, parce que c'est une arme impure parmi les armes qu'utilisent les takfiris pour renforcer leur voix. Et j'ai averti contre ce terme parce qu'il englobe beaucoup de séditions et beaucoup de dissensions. Et j'ai pris la voie qu'ont pris mes pieux prédécesseurs d'Allah alayhim dans le fait d'obstruer les voies menant au trouble et à la dissension. Et mes preuves, ce sont les positions du prophète alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons, dans le fait de fermer et d'obstruer les voies qui mènent vers les troubles et vers la dissension. Et aussi le fait d'éviter les expressions qui vont exciter et qui vont en fait faire naître la dissension et la sédition et le trouble dans la communauté qui vont créer des ambiguïtés. Donc tout ceci pour nous montrer quoi ? Que fait partie des fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est de fermer les portes qui vont amener vers la dissension, qui vont faire plonger dans les ambiguïtés et qui vont diviser la communauté. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وسد الدرائع المفضية إلى الأضرار والمفاسد من الأصول العظيمة التي لا يقوم الإسلام وحياة المسلمين إلا عليها. Et le fait de faire prévaloir, de rejeter les préjudices, et le fait de rejeter les préjudices prévaut sur le fait de se procurer un bien ou un intérêt, et le fait d'obstruer les portes qui mènent vers les tentations, vers les troubles et les dissensions, ceci fait partie des grands fondements sur lesquels s'accomplit l'islam et sur lesquels s'accomplit la vie du musulman. يقول رحمه الله خذ مثلا قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Et prenons un exemple. Le verset, dont la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: n'injuriez pas ceux qui adorent, ceux qui implorent ou invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car par agressivité, ils vont insulter Allah. Dans leur ignorance, par agressivité, ils vont insulter Allah. يقول رحمه الله وحفظه فإن سب أوتان المشركين حق وقربة إلى الله وإهانة للأنداد لكن لما كان يؤدي إلى مفسدة كبرى وهي سب الله وجب تركه فليس هذا العمل من باب الفروع وإنما هو من باب الأصول والعقائد. Et il a dit, rahimahullah ta'ala, wa ghafarala, wa atala umurahu fi ta'ateh. Le fait d'injurier ou d'insulter les statues adorées par les associateurs, c'est un droit, et c'est un acte avec lequel on se rapproche d'Allah. Et c'est un mépris pour tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, azza wa jal. Mais comme cela va conduire vers un grand préjudice, qui est le fait d'insulter Allah, il est obligatoire de le délaisser. Et ceci, c'est pas un acte qui fait partie des détails. Ceci fait partie, c'est un chapitre qui fait partie des fondements et des croyances. وصلات الصحابة رضوان الله عليهم وراء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يتم في صلاة كان يقصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليس من التنازل عن سنة أو عمل فرعي وإنما هو من باب درء المفاسد الكبرى فلو تركوا الصلاة خلف إمام المسلمين لأدى ذلك إلى الخلاف والتنازع وافتراق الأمة وسفك الدماء. Et la prière des nobles compagnons d'Allah عليهم derrière Uthman ibn Affan, des prières que lui il a fait complète, c'est-à-dire Dhuhr il a prié 4 rak'at, l'Asr il a prié 4 rak'at, l'Isha il a prié 4 rak'at. Alors que ce sont des prières durant la période de Minan pendant le pèlerinage, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les raccourcissait. Ainsi qu'Abu Bakr, ainsi qu'Uthman, Le fait que les nobles compagnons ont suivi Uthman radiyallahu anhu arda, en priant derrière lui, Dohr 4 rak'at, l'Asr 4 rak'at, et ainsi de suite, ceci, ce n'est pas un délaissement de la sunna. Abadan. Et ce n'est pas un détail qu'il faut négliger. Mais ceci fait partie du fait de rejeter les grands préjudices. Parce que s'ils avaient délaissé le fait de prier des heures, l'imam des musulmans qui est Uthman radiallahu ta'ala wa arda, ceci va entraîner la communauté à une grande divergence. Il y a des litiges, il y a une dissension, il y a une division, et peut-être même ça va amener au fait de couler le sang. Wa qala al-shaykh hafidhahullah wa sadd dara'i' al-fitan وأسبابها من أهم الأصول التي وردت فيها نصوص كثيرة أوصلها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين إلى 99 نصا وألف شيخ الإسلام في ذلك كتابا إيه الدي رحمه الله le fait d'obstruer les voies menant au trouble et à la dissension et les causes qui peuvent amener au trouble et à la sédition, est un des fondements importants. Les textes sont nombreux pour le prouver. Ibn al-Qayyim a réuni dans l'Ilam al-Muqayyim 99 textes qui le prouvent. Et Cheikh al-Islam a écrit un livre là-dessus. Donc ceci, ce fondement est très important, qui est le fait d'obstruer les voies menant à la sédition, menant à la dissension et à la division, et aussi le fait de rejeter les préjudices prévaut sur le fait d'acquérir un bien. Et ceux-ci, salaf, l'ont fait et l'ont accompli. Beaucoup de choses. Des fois, tu as des paroles de certains nombres de sciences ou de certains de ses actes, et tu te dis pourquoi. Mais quand tu vas chercher, c'est parce que si il a dit autre chose que ce qu'il a dit, ça aurait amené un problème. Ou là, s'il a orienté vers autre chose que la chose vers laquelle il l'a orienté, ça aurait créé une sédition ou une fitna. Donc les hommes de science savent fermer les portes du mal et les portes de la dissension et de la division. Ils savent faire prévaloir ce qu'il faut mettre en avant. Et fait partie des fondements et des particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est qu'ils donnent l'importance aux expressions légiférées et aux significations authentiques. Ils évitent le fait d'utiliser les expressions générales ou absolues, dont le sens est absolu, pour fermer, pour obstruer les portes qui mènent vers la fitna, et pour fermer les portes qui vont amener vers la divergence et les séditions et les ambiguïtés. وفي تقرير هذا الأصل السلفي يقول العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله من منهج السلف الابتعاد عن استعمال الألفاظ المجملة والمتشابهة والابتعاد عن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة ولما تحدثه من الفتن بين المسلمين بل بدع السلف من يسلك هذا المسلك. Et pour confirmer ce fondement salafi, le combattant par excellence, l'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, dit, fait partie de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah Alim, le fait de s'éloigner et de ne pas utiliser les expressions dans le sens général et dans le sens ambigu, dans le sens absolu. Et le fait aussi de s'éloigner et de n'utiliser que les expressions qui ont été citées dans le Coran et dans la Sunna. Pourquoi? Parce que ces expressions générales ou ambiguës ramènent la fitna, ramènent la divergence entre les musulmans, Et les pieux prédécesseurs, Ridwanullah alayhim, ont rendu innovateurs ceux qui utilisent les termes ambigus et les termes dont le sens est absolu. وقال حفظه الله وغفر له قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل وعليكم السلام ورحمة الله. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve via son service dans son obéissance. Que Cheikh l'Islam a dit, rahmatullah alayhim jami'an, la voix des salafs et la voix des grands imams de la science de cette communauté, prenez en considération, les significations authentiques qui sont connues de par la législation et de par la raison et qui sont claires. Et ils font très attention à n'utiliser que les expressions légiférées. Et tant qu'ils peuvent, ils utilisent dans leur langage, dans leurs écrits, que les expressions claires et les expressions qui sont dans le livre et dans la sunna et qui sont légiférées. Et celui, à leur époque, qui parlait avec des expressions qui portent un sens au faux, qui est en divergence avec le livre et la sunna, il lui réplique. Et celui maintenant qui parle avec une expression innovée, dans laquelle il y a un sens, un bon sens et un mauvais sens, il l'attribue à l'innovation aussi. Et si jamais celui-là, il réplique avec du faux pour répliquer au faux, ou une innovation pour répliquer à une autre innovation, il dit, certes, celui-là, il a fait face à une innovation par une autre innovation et un faux par un autre faux. Et donc, même dans la réplique, ce qui doit être utilisé, ce sont le vrai. Ce sont le vrai. Ils n'ont pas le faux. Ils n'ont pas l'innovation. Abeden. قال الشيخ ربيع معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء. الشيخ ربيع الله سبحانه وتعالى بخزاف il a dit dans ce texte, c'est-à-dire dans le texte de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il y a un éclaircissement de grands points. Dans ce texte, il contient l'éclaircissement de grands points et de points très importants. Il donne des éclaircissements sur des points que salaf ont mis en application. Ils l'ont mis en application pourquoi? Pour préserver leur religion véridique et pour la protéger des innovations et des erreurs. يقول منها شدة حذرهم من البدع ومراعاتهم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل فلا يعبرون قدر الإمكان إلا بالألفاظ الشرعية ولا يطلقونها إلا على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع المحمدي. إلدي حفظه الله الله سبحانه وتعالى بخزاره. Il y a un point à retenir ici dans les paroles du Cheikh l'Islam, de Taymiyyah, ça nous montre comment Salaf, il faisait très attention aux innovations et comment il faisait très attention à n'utiliser que les expressions et les définitions authentiques qui sont connues dans la législation et qui sont acceptées par la raison. Ils sont reconnus, ce sont des expressions qui sont dans la législation et que reconnaît la raison. Ils ne s'expriment tant qu'ils ont la possibilité qu'avec des expressions légiférées. Hein? Et n'utilisent ces expressions légiférées que pour désigner ce qu'ils désignent réellement, pour désigner ce qui a été légiféré dans la législation de Mohammed alayhi salatu wa salam. وقال حفظه الله وسدده وقد حذر السلف من استعمال الألفاظ المتشابهة والتزموا الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وبدعوا من يستخدم الألفاظ المتشابهة في المعاني الشرعية. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, il aura affirmis. Salaf ont averti contre le fait d'utiliser les expressions ambiguës. Ils se sont cramponnés à n'utiliser que les expressions légiférées qui sont contenues dans le livre et dans la sunna. Ils ont rendu innovateur tout un chacun qui utilise les expressions ambiguës pour leur donner un sens de la législation ou une définition légiférée. Wa qala hafidhahullah ينبغي لعلماء المنهج السلفي وطلاب العلم أن يسلكوا جادة أهل السنة في كل شأن وفي تسمية الفرق بأسمائهم المشهورة وأن يجتنبوا الألفاظ الغريبة والمتشابهة التي تثير الخلافات والقيل والقال والتي لا تؤدي إلا إلى ما يضر الدعوة السلفية والشماتة بأهلها وقد نهى السلف عن هذا. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il est du devoir des hommes de science de la voie salafi et des demandeurs de science de la voie salafi de prendre la voie sûre des gens de la sunna dans toutes leurs situations et de désigner les groupes par leur nom avec lequel ils ont été réputés et d'éviter d'utiliser des expressions étranges et ambiguës parce que cela ramène les divergences et entraîne vers ils ont dit, ils dirent. Et ce genre d'expression ne ramène que le mal et des préjudices à la da'wa salafi. Et il ramène le fait que d'autres vont se moquer des gens de la salafia et des gens de la salafia. Et salaf ont interdit tout cela. Et parmi les expressions ambiguës, générales, que les innovateurs ont innovées ces dernières années, l'expression d'Al-Haddadiyya avec laquelle ils ont créé beaucoup de divisions et beaucoup de dissensions chez les jeunes, et beaucoup de problèmes, c'est cette expression dont on a parlé tout à l'heure qui est jins l'amal. Ils ont immiscé cette expression jins l'amal dans la définition de la foi. Ils sont allés plus loin. Ils ont fait que jins l'amal est un des piliers dans la définition de la foi. Comme c'est arrivé à ce grand haddadi qui est Falah al-Harbi et son groupuscule. Et Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, s'est attaqué à leurs ambiguïtés et à leurs faux à ce niveau-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'honore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la. Qala hafidhahullah, ana arraftu al-iman bima arrafahu bihi s-salaf. وبينت مذهب المرجئة الذين لا يدخلون العمل في الإيمان ولم أجد من ذكر لفظ جنس العمل في تعريف الإيمان. Il a dit pour répliquer à cette tendance de Haddadi, moi j'ai donné la définition à la fois, j'ai donné la définition qu'ont donné les pieux prédécesseurs d'Allah alim. Et j'ai montré et j'ai donné des éclaircissements sur la voie des Murji'a qui ne font pas rentrer les œuvres dans la foi. Et je n'ai pas trouvé la citation de l'expression jins al-amal dans la définition de la foi. Cela, s'il ne l'a pas trouvé chez les pieux prédécesseurs d'Allah, ça veut dire que c'est une innovation. Hein? يقول لكن لا أزال أنصح الشباب عن عدم الخوض فيه، لأنه لفظ مجمل يحتمل معاني متعددة، ولفظ لم يرد في الكتاب والسنة. Il dit mais je ne cesse de conseiller les jeunes de ne pas utiliser ce terme, car c'est une expression absolue qui peut porter beaucoup de significations. Et c'est une expression qui n'a pas été citée ni dans le Coran ni dans la Sunna. يقول وأنت تتعلق بلفظ جنس وهو لا ذكر له في القرآن ولا في السنة ولا أدخله السلف في تعريف الإيمان ولم يذكر في أقوال القرون المفضلة حسب علمي ولا يبعد أن يكون مما أدخله الفلاسفة على الإسلام. Il dit en s'adressant à Falah al-Harbi, et toi, tu t'attaches à cette expression jins. Jins, ça peut désigner tout ce qui peut rentrer dans un acte. Jins, c'est une famille de tout. Et toi, tu t'attaches à ce terme jins qui n'a pas été cité ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni les pieux prédécesseurs ne l'ont rentré dans la signification de la foi. Il n'a pas été cité dans les paroles des trois générations qui ont été élogées par le prophète alayhi salatu wasalam, selon ma connaissance. Et ce n'est pas loin que ce terme a été émissé chez les musulmans par les philosophes. يقول حفظه الله وإذا رجعت إلى كتب اللغة تجد اضطرابا في تفسيره. Il dit quand il revient au livre de la langue, de l'explication de la langue, au livre ce que vous appelez le dictionnaire, le Ma'ajim al-Lugha. Il a dit quand il revient vers Ma'ajim al-Lugha, tu vas trouver qu'il y a une grande confusion dans son interprétation, dans son explication, dans l'explication du terme jins. ويقال أن أو إن أول من أدخله على اللغة الأصمعي. Et on dit que celui le premier qui l'a fait rentrer dans la langue arabe c'est l'Asma'i. الشيخ ربيع حفظه الله كل الله سبحانه وتعالى l'élève en degré et qu'il annonce dans son obéissance qui lui donne la santé, il a un exposé qui est très intéressant. Dont le titre c'est منهج السلف وقواعدهم تقتضي منع إطلاق جنس العمل وما شابهه من الألفاظ المجملة. C'est exposé, c'est le titre, c'est la voie des pieux prédécesseurs de Allah alayhim. Leur règle implique et fait qu'il est obligatoire de citer comme ça dans l'absolu جنس العمل et tout ce qui est similaire à ces expressions absolues qui portent plusieurs significations. Tout ceci pourquoi? Tous ces efforts il les a fait pourquoi? Pour préserver la religion d'Allah et pour la défense. C'est un combat qui mène pour la défense de la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et pour que cette jeunesse musulmane et cette jeunesse salafie ne baigne pas et ne tombe pas dans les filets de ces dans le filet de ceux qui amènent et instaurent des règles et des ambiguïtés pour faire dévier la jeunesse musulmane. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et fait partie de la particularité des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. C'est une particularité avec laquelle ils se différencient des gens de l'innovation, de ceux qui suivent leur passion, c'est qu'ils sont unanimes sur les fondements de la religion. Ils sont unanimes sur leur voie. L'unanimité dans les fondements de la religion et dans la voie, ils n'ont pas eu de divergence là-dessus. Contrairement à ceux qui suivent leur passion et à ceux qui suivent les innovations, ceux qui suivent les passions et les innovations, leur voie a été accomplie sur les divergences et sur les contradictions. à tel point que les uns se rendent innovateurs, les uns rendent les autres innovateurs entre eux. Certains même vont rendre d'autres mécréants. Tu les trouveras toujours en divergence avec le livre et la sunna. Et ils sont en divergence avec le livre et la sunna. Ils divergent sur le livre et la sunna. Ils sont unanimes sur le fait d'être en divergence avec le livre et la sunna. C'est pour ça le nom qui leur a été donné, les gens de l'innovation et de la dissension et de la division. Contrairement aux gens de la sunna, ils sont unanimes sur la vérité. Ils n'ont pas de divergence sur la vérité. C'est pour ça que le nom qui leur convient, c'est les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. وفي تقرير وبيان هذه الميزة السنية السلفية يقول العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ثبت أهل الحديث والسنة على كتاب ربهم وسنة نبيهم يستمدون منهما العقائد والأحكام على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الكرام وحطموا أسلحة أهل الباطل أيما تحطيم بمعاول السنة والقرآن الكريم وأهل السنة والحمد لله في هذا الباب من عصور على ائتلاف ووفاق وبعد عن الخلاف والشقاق. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve pour confirmer et donner des éclaircissements sur ce fondement salafi. Il dit, les gens du hadith et de la sunna sont fermes. Sont fermes dans leur cramponnement au livre de leur souverain et à la sunna de leur prophète, alayhi salatu wassalam. Ils prennent leurs croyances et leur jugement du livre et de la sunna selon la voie, sur la voie du messager, alayhi salatu wassalam, et des nobles pieux prédécesseurs d'Allah, alayhim. Ainsi, ils ont détruit les armes des gens du faux. Ils les ont détruits d'une grande destruction. Ils les ont détruits tout simplement avec une seule arme. Le livre et la sunna. Et les gens de la sunna, et la louange est à Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce niveau-là, depuis l'aube de l'islam, sont unanimes, sont unis, sont loin des divergences et de la dissension. وقال عزه الله وغفر له قال ابن القيم رحمه الله ناقلا كلام السمعاني رحمهم الله جميعا فزعم كل فريق منهم أي المبتدع أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين وأخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et l'honneur en citant les paroles d'Ibn al-Qayyim, qu'Ibn al-Qayyim a rapporté les paroles de Sam'ani rahimahumullah. Sam'ani a dit, tous ces groupes d'innovateurs prétendent que chacun d'eux c'est lui qui se cramponne à la législation de l'islam et que la vérité qu'a accompli le messager alayhi salatu wassalam, c'est ce que ces tendances croient et cette voie qu'ils ont pris. Chaque groupe dit ça, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala veut que la vérité soit la vérité et les croyances authentiques soient tout simplement avec les gens du hadith et les gens qui suivent les preuves. Pourquoi? Parce que les gens du hadith et ceux qui suivent les preuves ont pris leur religion et leur croyance de génération en génération. Hein? Jusqu'à arriver aux successeurs des nobles compagnons, aux compagnons, aux messagers alayhi salatu wa salam. Et les compagnons l'ont pris directement du messager alayhi salatu wa salam. Il n'y a pas une autre voie pour connaître ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a propagé. Est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a transmis que cette voie-là, la voie des gens du hadith, par les chaînes de transmission authentiques, hein, qui montent directement au messager alayhi salatu wa sallam. Il n'y a pas d'autre voie pour connaître la voie droite que la voie qu'ont pris les gens du hadith. C'est la seule voie. يقول رحمه الله أي الكلام للسمعاني ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها قلوبهم في ذلك على قلب على قلب واحد ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ Il dit, et les paroles sont à Sim'an, rahimahullah. Et ce qui prouve que les gens du hadith, ce sont eux qui détiennent la vérité, que ce sont eux qui sont sur la vérité, c'est quand tu lis leurs livres. Depuis que les livres ont commencé à être édités, jusqu'au dernier, et tu compares les anciens et les contemporains, et, hein, tu les trouves. Que malgré qu'ils habitent chacun dans un pays ou chacun dans un continent, et qu'ils sont très loin, hein, chacun dans un continent, tu les trouves que dans, en ce qui concerne les croyances, ils sont sur la même voie. Hein, ils sont sur la voie sur laquelle, hein, sur une seule voie, ils ne dévient pas de cette voie-là. Et que leurs cœurs sont unis comme si c'est un seul cœur. Et leur transmission, ce qu'ils transmettent, les textes qu'ils transmettent, il n'y a pas de divergence dedans. Hein? Il n'y a pas de dissension dedans. Petite ou grande. Si tu réunis tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont rapporté de leur pieux prédécesseur d'Allah Alim, tu vas trouver que c'est comme s'il vient d'une seule personne, du cœur d'une seule personne. Hein, ou qu'il sort de la langue d'une seule personne. Est-ce qu'il y a une preuve plus claire que cela sur la vérité? Il n'y a pas. À l'époque où parle Sim'ani, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tous ces moyens de transmission. Et les livres, tu les prends, les livres, hein, tu verras, hein, que les croyances sont identiques, qu'ils soient en Andalousie ou là qu'ils soient en Inde, du moment qu'il est sur la voie du pieux prédécesseur d'Allah, leurs écrits sont près les mêmes preuves. Hein? Les mêmes textes. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et Sim'ani, dans ses paroles, il cite les preuves du livre d'Allah, dont la traduction approximative nous dit ceci. Ne médite-t-il pas le Coran? S'il venait d'autre qu'Allah, ils auraient trouvé dans le Coran beaucoup de divergences. Il n'y a pas de divergence dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Abadan. Et l'autre verset dans la traduction approximative nous dit ceci: cramponnez-vous à l'once d'Allah tous et ne vous divisez pas. Rappelez-vous la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous étiez des ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala réunit vos cœurs et vous êtes devenus par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala des frères. Avec quoi il a réuni leur cœur? Avec des textes dans lesquels il y a une divergence? Ou avec des textes qui sont clairs et nets et dans lesquels il n'y a pas de contradiction? قال رحمه الله وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثوا التفرق والاختلاف فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما تختلف وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه وأما المعقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق انتهى كلام السمعاني رحمه الله تعالى وغفر له. Il dit, et la cause de l'unanimité de l'union des gens de la sunna, c'est qu'ils ont pris leur religion du livre et de la sunna par la voie sûre de transmission. Et ceci leur a fait hériter quoi? L'unanimité et la concordance. Et les gens de l'innovation ont pris la religion de leur raison. Et ceci leur a fait hériter quoi? La dissension, les divergences. Car le fait, la transmission faite par les dînes d'une chaîne de transmission et par ceux qui maîtrisent peu. Il y a peu de divergences dedans. Si ils ont des fois une divergence sur une expression, sur un mot, mais ceci ne va faire aucun mal, ne va ramener aucun préjudice à la religion. En aucun cas. Quant aux choses héritées par la raison, par les pensées, par les opinions, ils ne concordent pas. Ici s'arrêtent les paroles de Sam'ani rahimahullah. Les gens ont des raisons différentes, des façons de réfléchir qui sont différentes, ils ont des opinions différentes, etc. Donc, l'unanimité vient de quoi? Vient de ce qui est sûr. La parole d'Allah est la plus véridique. L'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam est la plus véridique parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit de son messager alayhi salatu salam qu'il ne parle pas de ses propres passions. Et la voix du pieux prédisseur est la voix la plus sûre, laquelle on peut faire des recherches jusqu'à arriver au messager alayhi salatu salam par les chaînes de transmission qui sont une particularité de cette communauté. Tu imagines aujourd'hui, tu peux apprendre une version de lecture du Coran d'un lecteur, il te donne la chaîne de transmission qui te remonte au prophète alayhi salam. Vérifia jusqu'à là-bas. De la même chose pour un hadith. Et ceci n'a été donné qu'à cette communauté. Et ça, c'est la grâce d'Allah, Azza wa Jal. وقال حفظه الله ما فيه خلاف بين الصحابة فأهل الأهواء الذين يروجون الخلافات في الأصول والعقائد يقولون والصحابة اختلفوا في العقائد هذا كذب ما اختلفوا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala préserve Cheikh Rabi', il y a pas de divergence entre les nobles compagnons de Allah alayhim, c'est-à-dire dans les croyances, dans les fondements de la religion. Et les gens qui suivent leur passion et qui propagent que les compagnons ont eu des divergences dans les fondements et dans les croyances. Les compagnons n'ont pas eu de divergence dans les croyances. Ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge. وَسُئِلَ حَفِظَهُ اللَّهِ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْفُرُوعِ سَائِغٌ بِشُرُوطِهِ فما هي الضوابط التي يكون فيها الخلاف في بعض مسائل العقيدة سائغا؟ فأجاب: لا أرى هناك مسوغا للخلاف في العقيدة، وما يتعلقون به مما ينسبونه إلى الصحابة أنهم مختلفون في العقيدة فهم لم يختلفوا في شيء رضوان الله عليهم. Et la question lui a été posée. C'est que la divergence peut arriver sur certains sujets dans lesquels il y a la place à l'effort d'interprétation. Et ces sujets-là ne concernent pas les fondements de la religion et les croyances. Beaucoup, ce sujet-là vont concerner tout ce qui est dans le fiqh. Et donc, puisque ceci permet d'avoir ce genre de divergence sur certains points, certains sujets où il y a la place à l'effort d'interprétation, c'est quoi les conditions et les règles pour qu'il puisse y avoir des divergences sur les sujets des croyances? La réponse du cheikh, il dit: je vois rien qui peut permettre d'avoir des divergences dans les croyances. Et les choses auxquelles s'attachent ces gens-là qui disent que les compagnons ont divergé, les compagnons n'ont pas divergé. Il n'y a pas eu de divergence dans les croyances chez les compagnons. Abeden. ونبه حفظه الله أن ما حصل من الاختلافات من بعض أهل السنة في بعض المسائل العقدية الفرعية أنها اختلافات بسيطة لا تضر ولا تؤثر على المنهج. فقد سئل أعزه الله: هل يقال أن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا؟ فأجاب: نقول الصحابة ما اختلفوا، أما أهل السنة والجماعة فمن أفاضلهم من وقع في بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر في المنهج، مثل الإسلام والإيمان شيء واحد أو هما شيئان متغيران وكل له مستند، فالاختلافات بين أهل السنة من هذا النحو وهي لا تضر إن شاء الله. Et Cheikh Rabi' a attiré l'attention sur ce qui a pu avoir comme divergence chez certains membres de la Sunna, dont certains sujets qui découlent de la Aqidah, ça ne fait pas partie des fondements. Mais ce sont des divergences qui sont minimes, qui ne gênent rien et qui n'ont aucun mauvais impact sur la voie. La question lui a été posée: est-ce que les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna n'ont pas divergé sur l'Aqidah? Et il a répondu nous disant que les compagnons n'ont pas divergé sur l'Aqidah. Quant aux gens de la Sunna, il y a eu parmi les grands hommes de la Sunna certains qui sont tombés dans certaines divergences, certaines divergences qui sont minimes, qui n'ont aucune influence sur la voie, comme le fait est-ce que l'islam et l'iman c'est la même chose ou ce sont deux choses différentes. Et chacun qui a pris une voie à ce niveau-là et l'autre a pris une autre voie, chacun a ses preuves sur lesquelles il s'appuie. Il a dit les divergences qu'il y a entre les gens de la Sunna dont à ce niveau-là ne gênant rien dans la religion d'Allah, Inch'Allah. Il y a eu des divergences. Comme certains ils disent, est-ce que c'est le crayon qui a été créé avant le trône ou autre? Mais est-ce que c'est des croyances? C'est des divergences sur les croyances? Abadan akhal islam. Donc, nos nobles compagnons n'ont pas divergé sur les croyances et sur les fondements de la religion. Il fait partie aussi des particularités des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est qu'ils se cramponnent à l'islam complètement. Contrairement aux gens d'innovation et ceux qui suivent leur passion. Ceux qui suivent leur passion, il se rallie, il s'allie sur certains principes ou sur certaines formes de l'islam, ou certains côtés de l'islam, ils délaissent les autres côtés. Ils prennent ce qui va dans leur sens et tout ce qui est contre eux, ils le mettent de côté. وفي بيان وتقرير هذا الأصل السلفي يقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه في سياق رده على الحزب سلمان العودة المسألة الرابعة رمي أهل الحديث بالتحزب على جزء من الدين تصور الشيخ سلمان أن أهل الحديث من المتحزبين على جزء من الدين والناسين لأجزاء أخرى منه وأن هذا من ميراث الأمم الهالكة فهل هم متحزبون على جزء من الدين كما يصورهم سلمان؟ Et pour nous éclairer sur ceci, pour confirmer ce fondement salafi, l'uridi Cheikh Rabi, hafidhahullah, il dit dans le contexte de sa réplique à ce hizbi qui est Salman al-Awda, le quatrième point, c'est que Salman critique les gens du hadith, il dit que ce sont qu'ils se rallient sur une partie de la religion. Ils se réunissent tout simplement sur une partie de la religion. Salman s'est imaginé que les gens du hadith se réunissent tout simplement sur une partie de la religion. Et il a oublié les autres parties, et que, comme quoi, les salafis ont oublié les autres parties de la religion. Et ceci fait partie de l'héritage des communautés qui ont péri. Le fait de prendre une partie de la religion et de délaisser le reste. Et il pose la question, Habibullah, est-ce que les salafis prennent tout simplement, ils se constituent en groupe tout simplement autour d'une partie de la religion comme les décrit Salman. يقول حفظه الله فإن جهادهم في ميدان الدعوة إلى التوحيد بأنواعه ومحاربتهم الشرك. Il dit où est leur combat sur le champ de la da'wa pour propager le monothéisme et pour combattre l'associationnisme. أين جهادهم ضد البدع والخرافات الصوفية والرافضية وكلاهما جهاد الأنبياء وورثتهم بينما غيرهم يتهرب من هذا الجهاد الذي هو أشد وأشق أنواع الجهاد اللي هو leur combat contre les ondes de l'innovation et contre les histoires à dormir debout des sophies et les légendes des rafidis. Et tout ça fait partie du combat des prophètes alayhi salatu wasalam. Le combat que c'est les salafis ont hérité des prophètes alayhi salatu wasalam. Alors que les autres tendances fuient ce genre de combat. Et c'est le plus dur des combats. De combattre les innovations. Et de faire prévaloir la vérité de la religion. وأين جهاد تلاميذ ابن تيمية وابن عبد الوهاب في الجزيرة حتى قاموا دولة الإسلام والتوحيد على قواعد الإسلام الحق فعادوا للإسلام جدته وطراوته et où est le combat des élèves de Cheikh l'Islam ibn Taymiyya et où est le combat de Mohammed ibn Wahhab de ses élèves dans la péninsule arabe pour accomplir et pour fonder un état islamique basé sur le monothéisme et sur les règles véridiques de l'islam. Ainsi, ils ont fait revivifier l'islam en combattant quoi? L'associationnisme, les innovations, les histoires à dormir debout, des rawafid, des sophies, des adorateurs des tombes et ainsi de suite. وأين مدارس التوحيد والسنة في الجزيرة والهند وباكستان وأفغانستان وغيرها من البلدان والفرق والأحزاب ترميهم على ذلك عن قوس واحدة Et où sont les écoles du monothéisme et de la sunna dans la péninsule arabique, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan et dans d'autres pays? Alors que les autres groupes et les autres tendances et les autres partis, tous, ils tirent avec la même arme la voie salafie, les gens de la salafie. Ils les combattent tous. Hein? وهل السلفيون في الشام ومصر والسودان واليمن وغيرها لا يشتغلون إلا ببيان صحيح الأحاديث وسقيمها وتحذير الناس من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ Ils disent que maintenant les salafis du nord de l'Arabie, Sham, de l'Égypte, du Soudan, du Yémen et d'autres pays ne s'occupent tout simplement que de donner des éclaircissements sur les hadiths authentiques et sur les hadiths faibles et d'avertir les gens contre les hadiths faibles et les hadiths inventés. Ils font que ça. يقول أليس السلفيون في كل مكان يدينون بالإسلام الشامل عقيدة وشريعة ومنهاجا ودعوة ويدعون الناس إلى العودة إلى الإسلام كله من ألفه إلى يائه ويتحملون من الأذى والشدائد ما لا يعلمه إلا الله في سبيل ذلك il dit n'est-ce pas que les salafis en tout lieu mettent en application l'islam complet que ce soit au niveau de la législation ou au niveau des croyances au niveau de la voix au niveau de la da'wa ils appellent les gens à revenir vers l'islam entier et vers l'islam véridique et ils appellent l'islam, les gens à revenir vers l'islam de A à Z complètement et ils supportent le mal qui en découle de leur da'wa et ce qu'ils supportent il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait les difficultés qu'ils rencontrent hein et le mal qu'ils subissent يقول الشيخ ربيع حفظه الله حاشاه من يكون كما يرميهم خصومهم متعذبين على جزء من الدين مع نسيان الأجزاء الأخرى وهم أعلم الناس أن هذا من ميلات الأمم الهالكة il dit les salafis sont au-dessus de ça au-dessus des calomnies avec lesquelles ils accusent leurs ennemis Les salafis ne sont pas sectaires et ne se constituent pas en partie sur une partie de la religion, en oubliant les autres parties de la religion, alors qu'ils connaissent mieux, que ce sont eux les gens qui connaissent mieux, que le fait de se constituer en partie sur une partie de la religion, que ceci fait partie de l'héritage des communautés qui ont péri. يقول فهل تجد في الدنيا مثل الشيخ بن باز والشيخ العتيميين والشيخ عبد العزيز السلمان والفوزان وحمود التوجري والغديان وعبد الرزاق عفيفي وآل الشيخ وكثير وكثير من علماء هذا البلد وطلاب العلم منهم هل تجد مثلهم في الأخلاق والعقيدة والبذل في سبيل الله لتأتنا الطوائف والأحزاب بأمثالهم إيه Il dit, Habdallah, en s'adressant à Salman et peut-être tous ceux qui sont similaires à Salman, est-ce que tu trouveras dans le monde des hommes similaires, des hommes de science similaires à Ibn Baz, à Al-Utaymin, à Cheikh Abdelaziz Salman, à Cheikh Al-Fawzan, à Cheikh Hamoud Toujri, à Al-Ghudayyan, à Cheikh Abdelrazak Al-Afifi, à Al-Cheikh et d'autres parmi les hommes de science et de ce pays, parmi les hommes de science et les demandeurs de science? Ils disent que tu vas trouver des gens similaires à ceux-là dans leur comportement, dans leur croyance, dans les dépenses, dans les sacrifices qu'ils font, qu'ils accomplissent sur le sentier d'Allah. Que les partis nous ramènent des hommes comme ceux-là. Que les partis, tous les partis qui ramènent des hommes similaires à ceux-là. Disent-ils-les. وَلْتَأْتِنَا بِأَمْتَالِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِي وتلامذي علما بالسنة وجهادا في سبيل التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وأمثال علماء الهند كالشيخ عبيد الله المبارك فوري وإخوانه في الهند وباكستان دينا وخلقا وعقيدة وعلما وصدعا بالحق وصبرا على الأذى في سبيل الله وهاتي مثل الشيخ عبد الباري وإخوانه في بنغلاديش هاتي مثلهم في الدين وعلو الأخلاق Il dit, ramène-nous des exemples comme Cheikh Al-Albani, ou dissimilaire à Cheikh Al-Albani, à ses élèves, au niveau de la science de la Sunna, au niveau du combat sur le sentier d'Allah, au niveau du combat sur pour propager le monothéisme et pour combattre l'associationnisme et les innovations. Ramène-nous des hommes de science. Ah, comme les hommes de science en Inde, comme Cheikh Ubaidillah al-Mubarak Fouri et ses frères en Inde et au Pakistan, ramène-nous des gens comme eux dans leur religion, dans leur comportement, dans leur croyance, dans leur science, dans le fait qu'ils déclarent haut et fort la vérité et qu'ils subissent et qu'ils patientent et endurent sur le mal qui en découle. Ramène-nous des similaires à Cheikh Abdel Bari au Bangladesh et à ses frères qui sont autour de lui. Ramène des hommes similaires à ceux-là dans leur religion et dans la noblesse de leur comportement. يقول فكيف ترمي أهل الحديث فكيف ترمي أهل هذا المنهج بالتحزب فكيف ترمي أهل هذا المنهج بالتحزب على جزء من الدين والجفاء والخفلة عن واقع الأمة وما يدبر لهم وفيهم الشيخ العلامة المجاهد اليقظ والمتابع لأحوال المسلمين في أقطار الدنيا كلها حتى لا يعتقد فيه أنه لو كانت في المريخ حركة إسلامية لكان وراءها ألا وهو الشيخ بن باز رحمه الله. Il lui dit, comment maintenant tu calomnies comme ça les gens de cette voie, c'est-à-dire de la voie salafi? Tu les calomnies comme quoi ils sont sectaires ou là ils se constituent en partie pour une partie de la religion? Comment tu agis comme ça, hein? Comment tu les traites d'être insouciants ou d'être laxistes comme ça? Comment tu les traites comme quoi ils sont insouciants, ils savent rien de la réalité de la communauté et de ce qui se manigance contre la communauté, ce qui se trame contre la communauté, alors qu'existe au milieu l'érudit combattant éveillé qui suit les situations du monde, hein, et les situations de tous les continents. Et on croit que s'il y avait un mouvement sur Mars, il serait derrière, il aurait su ce qu'il en est. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. وهل نسيت يا سلمان الدورات التي تقيمها الدعوة السلفية في أقطار الأرض لتعليم المدرسين في المدارس الإسلامية؟ Est-ce que tu as oublié, toi, Salman, les séminaires qu'accomplit la da'wa salafia dans différents pays pour enseigner aux professeurs dans les écoles islamiques, pour les former? وهل تنسى المنح التي تقدمها المدارس السلفية لأبناء المسلمين في العالم كله ولا سيما الجامعة الإسلامية التي خصص فيها 80% من منح الطلاب لأبناء العالم الإسلامي؟ Est-ce que tu oublies les bourses qui sont données aux écoles salafi et que les écoles salafi donnent aux enfants des musulmans dans le monde entier et surtout à l'université de Médine où 80% des bourses il est pour, il est réservé aux étudiants étrangers de différents pays de l'islam. وهل نسيت مراكز الدعوة التي تنشر منها المئات في شتى بقاع العالم؟ Est-ce que tu as oublié tous les centres de la da'wa à travers le monde, lequel il y a beaucoup de prêcheurs qui partent, hein, et qui propagent à travers le monde? وهل نسيت الدعم السلفي للجهاد الأفغاني وفي كل مكان؟ Est-ce que tu as oublié, hein, l'appui salafi qui a été donné au jihad salafi, au jihad afghan, quand c'était le jihad légiféré, et en tout lieu quand le jihad était légiféré. هذه كلها جهود سلفية وليست تبليغية ولا إخوانية فكيف ترمي السلفيين بالغفلة عن واقع الأمة. Tout ça, ce sont des efforts salafis. Ce ne sont pas des efforts de tablir, ni des efforts d'Ikhwan. Comment maintenant tu peux accuser les salafis d'être insouciants de la réalité, de la situation de la communauté? Inna les salafiyin, al-amal al-hadi al-samit, wa li ghayrihim al-dajij wal-hadhir al-i'lami, alladhi yastafiduna minha li-tashabbu'i bi-juhudi ghayrihim. Il dit, Abdallah, les salafis, ils accomplissent les actes dans le calme, sans les propagations, hein? Hein? Quant aux autres, ils ont le bruit. Hein? Ils ont le bruit et la propagande médiatique de laquelle ils vont profiter des efforts des autres, par l'intermédiaire de laquelle ils vont profiter des efforts des autres. وقال حفظه الله: وأهل الحديث من بينا لكم سموا أهل الحديث، وإن كان كثير من الفرق يشاركونهم في دراسة الحديث وحفظه، لكنهم هم يمتازون بأنهم يتمسكون بالحديث في أبواب الإسلام كلها، في العقائد والعبادات والسياسات وغيرها. Il dit, حفظه الله تعالى, les gens du hadith, comme nous vous en avons éclairé, ils ont été appelés des gens du hadith, même si beaucoup de ces tendances déviantes sont associées avec eux dans l'étude du hadith et dans le fait de le mémoriser. Mais les gens du hadith ont la particularité, c'est qu'ils se cramponnent au hadith, ils le mettent en application dans tous les domaines de la religion de l'islam, que ce soit dans les croyances, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans la politique ou autre. قال حفظه الله: لا يسع مسلما لا فردا من أفراد المسلمين ولا طائفة من طائفة المسلمين ولا مجتمعا من المجتمعات الإسلامية ولا حاكما ولا محكوما الخروج عن شيء من أصول الإسلام أو فروعه، بل يجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتقديمه على كل قول وهدي، والاحتكام إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن، وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أمور الدين وكبيرها. إلى ذلك الله سبحانه وتعالى le préserve. Hein? Il n'appartient pas à un musulman, que ce soit un individu parmi les musulmans, ou que ce soit une secte ou une tendance ou un groupe, ou que ce soit une société musulmane, ou que ce soit un gouverneur ou un gouverné, hein? Il ne leur appartient pas de sortir et de délaisser quelque chose parmi les fondements de l'islam ou les détails de l'islam. Il est obligatoire à tous d'y croire, de croire en tout l'islam et de se cramponner à tout l'islam, comme l'a transmis le dernier des prophètes et le plus noble des messagers alayhi salatu salam, et de mettre en apparent ou de mettre en avant les paroles de ce messager alayhi salatu salam et sa voix, ou devant toute parole et devant toute voix. Il dit, et de prendre comme juge tout ce qu'a transmis le messager alayhi salatu salam dans toutes les situations, et de lui obéir et de suivre ce messager alayhi salatu salam, que ce soit dans les grandes choses ou dans les petites choses, dans toutes les choses de la religion, grandes ou petites, il faut suivre ce messager alayhi salatu salam. Et nous allons arrêter là inshallah pour aujourd'hui. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا et on se retrouve pour le prochain cours sur les fondements et les particularités des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna vendredi inshallah.